Welcome everyone to French Pod. Today we've got an intermediate lesson. It's called Trip to the Spa. I'm very excited. My name is JP. Salut, je m'appelle Amaury. All right, what are we going to talk about, Amaury? Donc tu sais, JP, on est à la sortie des fêtes. Mm-hmm. Donc maintenant, ici à French Pod, on va avoir une leçon aujourd'hui plutôt relaxante. Okay, excellent. So, day on the couch watching TV. Ah non, non, pas du tout. Non. On a deux personnes ici qui ont décidé d'aller à un spa. Okay. Qu'on appelle aussi un établissement thermal. Ah, okay, this is a very special kind of spa. Oui, c'est là qu'on se fait soigner, en fait, ou qu'on se relaxe en utilisant l'eau. All right, and it's not just any water. C'est l'eau qui vient directement, je sais pas, c'est du centre de la terre, mais en tout cas de la terre. Right. Et qui est censé avoir des vertus bénéfiques. Mm-hmm. So these are healing special waters that come out of the earth. Oui. Okay, and the French people love to go to these special spas. Oui, ça devient de plus en plus populaire. Okay. All right. Donc ici durant le dialogue, nous allons avoir un mot clé qui est même une phrase clé. Okay. Et qui va être je me sens vraiment détendu. Oh, I really feel relaxed. OK, donc maintenant, on va écouter ce dialogue relaxant. Qu'est-ce qu'on est bien là? Détente, relaxation. Après tout le stress que j'ai eu au boulot ces derniers temps, c'est vraiment ce dont j'avais besoin. Et puis le massage qu'on a fait il y a une heure était divin. Oui, ma masseuse était géniale. Elle a bien appuyé là où j'avais mal dans le dos. Je ne sens plus aucune douleur. Mon massage à moi était plutôt un massage relaxant. Je me sens vraiment détendu maintenant. Tu sais ce qui nous attend pour la suite? Non, c'est quoi le programme? Au choix, sauna, bain debout, jacuzzi, soins du corps aux huiles essentielles, hammam. Par quoi tu veux commencer? Je ne sais pas. Tu n'aurais pas envie de dormir? Et nous revoici. Tu ne te sens déjà pas un peu mieux? Yes, yes, absolutely. Oh. Feel relaxed. A little bit sleepy, in fact. I could take a nap right now. Oh, qu'est-ce qu'on est bien là. Et qu'est-ce qu'on est bien dans le studio à enregistrer aussi. Tout va bien. Hein? Right. Now, let's take a look at that on. In on est bien là. Now, that on really means we, right? Oh, we're so relaxed here. Isn't it nice that we are here, right? Exactement. Your French teacher might have explained to you that on is used in general in terms like one is good here, right? But here, it really means that we are, you know, having a great time here. Isn't it nice here for us? Oui, tout à fait. Mm-hmm. Et à vrai dire, en français, on emploie plus souvent le on que nous. Right, absolutely. Yeah, you hear on much more than nous. Oui. Okay. Parce que c'est, il est tout simplement plus familier. Absolutely. Donc évidemment, dans ce dialogue, ils sont là pour se relaxer, ils sont là pour la détente, la relaxation. Mm-hmm. Absolutely. You know, life is so hectic because they're trying to escape from their hectic, stressful life, right? Voilà, oui. Okay. Ils veulent s'échapper du stress qu'ils connaissent, qu'ils ont eu au boulot. Surtout ces derniers temps. Okay. Here we have le stress que j'ai eu, right? Now this is the passé composé on va voir, obviously. Right. And a lot of people learn that as I had. But remember, the passé composé can be translated two ways. It could be I had or I've had, right? I've had. So le stress que j'ai eu au boulot, the stress that I've had on the job. Right. Tout à fait. On a ici ce mot boulot, qui veut dire travail, le travail, mais qui est la version familière, qui est le mot familier pour travail. Oui. Et donc ensuite, ils disent que c'est vraiment ce dont ils avaient besoin. Okay, wow, this is a relative pronoun in an intermediate lesson. Right. Don't worry. This is a very easy explanation. Now, don't is a relative pronoun. That whenever you see the word don't, it means that there's a de phrase somewhere. You'll see it right afterwards in j'avais besoin. Now, the expression is avoir besoin de. C'est right? Ça, oui. It has to be avoir besoin de something. Now, here, that's really what I need. Okay, so c'est vraiment ce dont j'avais besoin. Okay, so that's what happened to the de of besoin. Oui. It turned into a don. Exactement. Okay. Eh bien, de quoi ont-ils besoin? Ils ont eu besoin d'un massage qu'ils viennent de faire, qu'ils ont fait il y a une heure. Oui. Ils disent même que ce massage était divin. Oh, it was wonderful. It was divine. Ouais. Et pourquoi il était divin? Parce qu'en plus, ils ont eu une masseuse géniale. She was really nice. Peut-être qu'elle était mignonne en plus. That never hurts. Et donc, elle a bien appuyé là où cette personne avait mal dans le dos. Okay. This is what masseuses do, right? They work out the sore parts, okay? So, elle a appuyé, so she pushed on, right? Bah oui, c'est ça, ouais. Right? She massaged out là où j'avais mal dans le dos. Right where my back was hurting. là où j'avais mal dans le dos. Mm-hmm. Il y a un effet immédiat, parfait, puisqu'il dit « je ne sens plus aucune douleur ». Ok, so this looks like a lot of negatives. Je ne sens plus aucune douleur, right? So « ne plus » is no longer, and « aucune » means « anymore », right? Not anymore, so « no longer feel any more pain ». Exactement, oui. Mm-hmm. Donc cette personne a eu sûrement un massage plus thérapeutique que l'autre qui dit que son massage à lui était plutôt un massage relaxant. Right, and you can see the structure. They say actually « mon massage à moi ». And they're saying à moi to emphasize the word mon, okay? In English, we would use stress. We would say my massage was more a relaxing one, right? In French, you can't do that. You can't say mon massage. So what you have to do in French is repeat, is bust out this emphatic phrase, okay? So mon massage à moi était plutôt un massage relaxant. Oui, tout à fait. C'est la structure qu'on utilise en français parlé, ouais. Mm-hmm. Et ce massage relaxant a fait qu'il dit « je me sens vraiment détendu ». Maintenant. Ah. And so then he's pretty excited, right, Emily, about what's going to happen next? Ouais. Et il lui dit, tu sais ce qui nous attend pour la suite? Ooh, you know what's going to happen next? Now here we have another relative pronoun, ce qui, all right? Now I know this is an intermediate lesson, so don't freak out about these relative pronouns. But if you see it, you should know, do you know that which is waiting for us next? All right, so do you know what's coming up next? Right. Do you know what's in store for us next? Right, that ce qui is that which. And in English, we usually say what. So do you know what's coming up next? Alors, elle ne sait pas ce qui les attend, puisqu'elle dit, non, c'est quoi le programme? Okay, now what's in store? What's the agenda? What's the program? Oui, voilà, c'est une façon qu'on a en français pour demander ce qui va se passer. Right. Alors il dit au choix, sauna, the sauna, ouais, bain debout, mud bath. Moi j'en ai jamais fait, mais il paraît que ça marche. Hein. Oh yeah, that's what they say. Jacuzzi. Okay, jacuzzi obviously. Soin du corps aux huiles essentielles. Ok, essential oil treatment. Un massage aux huiles, ce sont des huiles parfumées ou qui ont des vertus aussi. Right, healing. Oui. Et le hammam. Ok, which is the Turkish bath. Voilà, qui sont des bains de vapeur en fait. Mm-hmm. Et qui sont censés faire beaucoup de bien aussi. Right. Donc les gentlemen, il dit, mais par quoi tu veux commencer? Usually if you pick something to start with, you're going to use par, right? Mais oui, par exemple, je veux commencer par le sauna ou je veux commencer par le jacuzzi. That's why this question begins with par quoi, right? Par quoi, that par usually goes with commencer. Ouais. Right. It can't be at the end because you wouldn't want to leave a preposition at the end, so it comes to the beginning. Par quoi tu veux commencer? Ouais. C'est comme si ce soir on avait prévu d'aller au restaurant, au bowling et au cinéma. Et je te demanderais, JP, par quoi tu veux commencer? Je veux commencer par restaurant. D'accord. Et elle, sa réponse est, je ne sais pas, tu n'aurais pas envie de dormir, toi? Okay, she's trying to get out of the next step. She's relaxed, she's tired. Oui. Okay, so here we have the verb avoir in the conditional. Tu n'aurais pas envie de dormir? So wouldn't you feel the need to sleep? She doesn't just come out and say, I want to sleep. No, she doesn't say, just say, j'ai envie de dormir. She's going to make it into a question, right? Oui. And she's going to try to project her own drowsiness onto the guy, right? So she's making the suggestion, and that's why we have the conditional tense. Tu n'aurais pas envie de dormir? Moi, je sais pas ce qu'il va faire. On verra. Okay. Par contre, je sais ce qu'on va faire, nous. On va réécouter le dialogue. Excellent. Qu'est-ce qu'on est bien, là? Détente, relaxation. Après tout le stress que j'ai eu au boulot ces derniers temps, c'est vraiment ce dont j'avais besoin. Et puis, le massage qu'on a fait il y a une heure était divin. Oui, ma masseuse était géniale. Elle a bien appuyé là où j'avais mal dans le dos. Je ne sens plus aucune douleur. Mon massage à moi était plutôt un massage relaxant. Je me sens vraiment détendu maintenant. Tu sais ce qui nous attend pour la suite? Non, c'est quoi le programme? Au choix, sauna, bain debout, jacuzzi, soin du corps aux huiles essentielles, hammam. Par quoi tu veux commencer? Je ne sais pas. Tu n'aurais pas envie de dormir? Et nous revoilà. Comme on l'a dit au début, ces spas se développent beaucoup en France. Yes, actually, and it's from a Roman custom, right? The Romans used to have these baths, and that's why you have these towns in France called Aix, right? Because that came from a Roman word, aquais, or something like that. I don't speak Latin. But those words became Aix. So you have Aix-en-Provence, there's another Aix. Aix-les-Bains. Aix-les-Bains. Oui. Absolutely, Aix-les-Bains. The waters in the bath, okay? And Aix-en-Provence is the waters in Provence. Now, Aix-en-Provence is no longer a center The last time I was there, the baths were closed. But there's plenty of other places in France, right? C'est vrai, oui. Mm-hmm. Comme on l'a dit, Aix-les-Bains, par mm-hmm. exemple. Et on les appelle des villes d'eau. OK, the water towns. Oui, donc qui ont la chance d'avoir des fontaines de l'eau disponibles, mm-hmm. comme on l'a dit, qui ont des vertus curatives bénéfiques. Donc en même temps, il y a les villes qui sont connues pour leurs eaux minérales, comme mm-hmm. Evian. Very famous. Voilà, mm-hmm. Vittel. OK. Donc il y en a pas mal qui ont ouvert ces centres. Et puis les gens ont redécouvert l'effet bénéfique... Mmh. D'aller prendre les eaux, comme tu disais, comme le faisaient les Romains avant, mmh. et qui fait un bien fou, il paraît. Ok. Vichy also, right? Exactement, Vichy aussi, ouais. Ok. Now, have you ever been? Non, malheureusement. No. You've never been to a water town, but you've been to a spa. Oui, ouais, ouais. Enfin, j'ai beaucoup aimé, donc c'est un de mes projets, peut-être, d'aller passer un week-end okay. dans une ville d'eau comme ça. Mmh. Mes parents, ils sont allés, ils disent que vraiment, ça fait beaucoup de bien. Oh, ok. Parce qu'en même temps, on fait attention à la nourriture, on mange bien aussi. Of course, yeah. On mange équilibré, tu vois, on mange beaucoup de légumes. Yeah, and it's relaxing, you don't have to work, you don't have to lift a finger. C'est vrai, ah ouais. Yeah. C'est pour ça que je vais y aller. Voilà, donc je ne sais pas si près de chez vous, où vous nous écoutez, il y a peut-être la même chose, cela existe également. Si c'est le cas, venez nous laisser votre commentaire. Ce serait bien de savoir comment ça se déroule chez vous, ou si vous y êtes déjà allé, tout simplement. Donc on se retrouve sur la page de discussion de FrenchPod et on partage tout ça ensemble. À bientôt. Salut.